Remarque 1, chapitre 13, diffraction. Qui souhaite d'entrer Kir, bien non. Le phénomène de diffraction, ou même qu'il y ait le phénomène d'interférence quand même, met en évidence le même phénomène, les deux phénomènes, diffraction et interférence, met en évidence quel aspect de la lumière? Réponse, oui. Une diffraction ou interférence expérimentalement vérifie que la lumière a un aspect ondulatoire. لأنه كمان إن اللونيير تعرف بي إنه إلا ناتير طبيعة تاني غير الأندولاتوار مثل شو مثلا كوربوسكول تعتبر كأنه كوربوسكول يعني السورس لومينوز بتعطي مثل كوربوسكول اسمه نسميه فوتون فوتون دينيرجي مين اللي بيأكد هالشيء أكيد مش الديفراكسيون والانترفيرنس إنما الإفي فوتوإلكتريك هذا الدرس اللي بعد الانترفيرنس Bazin, résumé, le phénomène de diffraction et le phénomène d'interférence, ces deux phénomènes mettent en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière, tandis que l'effet photoélectrique met en évidence l'aspect corpusculaire de la lumière. Remarque 1, chapitre 13.